Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens d'un pays qui est un arbre fort, moi je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens d'un pays qui est de la Kibera. Moi je viens d'un pays où ce que le poisson mord. Je viens du nord-ouest du Québec, pour ceux qui le savent pas. Où est-ce qu'il fait fête? Ça sonne 7 à 7 heures dans le bois. Au nord, mais de l'autre bord, où est-ce que d'or est mort? Se cache de cuivre et l'or, faut être fort parce que ça fait tort. Y'a des belles dames de castor, y'a des braves gars, moi c'est la Salvador, Juan Rondo. J'ai ça parle fort de chaque bord, depuis que j'appe à bord. C'est parce que j'frappe fort, parce que j'mors comme un frappe à bord. Y'a le pays où on est un nesté animal. Plutôt amical, en général, on reste original. Y'en a qui le prennent mal, les langues sales me traitent de marginal. Comme si c'était mal, faire du cheval à nous dans les galons. Les habitants ont cœur gros comme leur territoire. Y'a pas juste des mouches noires, pis des mineurs qui touchent des mouches noires. Y'a des lacs verts, pis chaque terre une histoire. Quoi que chaque hiver, on est fiers de crier victoire. En Abitibi, dans mon pays. Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de l'Abitibi. Moi je viens d'un pays qui a un ventre en or. Moi je viens d'un pays où ce qui neige encore. La nature rappelle, tandis que les sapins nous apaisent. On se met à l'aise de mercure baisse, on arrive la fournaise. On participe une petite caisse, tandis que la glace dépêche sur la neige. Où y'a personne qui se dépêche, où y'a pour des qui pêche. Où on se ressource, où on puise nos ressources naturelles. On reste en nature, comment veux-tu qu'on reste pas naturel. Même le marais gouache promène l'hiver avec des cases de poils. On doit d'aller plus loin qu'en arrière. Ouais, je viens de la campagne où y'a personne qui nous tanne. Où on se retrouve autour de flocons pour un braise boucan. Où les visages du voisinage portent des paysages. À coup d'âge, de courage, à coup de cœur à l'ouvrage. Qui avait pas de chainsaw, qui avait haché boxeur, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'aubre, du front tout le tour de la tête, pis qui n'était pas si bête. En l'an 2006, en Abitibi, dans mon pays, en Abitibi, dans mon pays.